était peinte en trois couleurs. Trois teintes chaudes et trois humeurs. Qu'au bout d'un pinceau délaissé, l'on s'était prise à mélanger. Le noir de l'absence couvrait ton toile de fond. Le vide et le silence qui auraient pesé sinon. Noir acre et ambigu qui parfois prenait l'air comme pour être moins nu ou plutôt moins amer. D'un de ces bleus du soir, de ces bleus d'océan qui tentaient sans espoir de prendre les devants. Mais c'était bien du noir, ne vous y trompez pas, qui teintait la mémoire de cette petite-là. Maître du clair-obscur, génie du noir et blanc, le peintre avait bien sûr dressé en avant-plan d'autres touches plus claires, éclats désabusés, mystérieux réverbères dans la rue délaissée. Et ces niveaux de gris nous donnaient l'impression qu'elle cachait ses soucis parfois sous son veston. Quelques notes de blanc au fond de son regard, quelques gouttes de pluie dans un épais brouillard. Dans la toile fouillie l'on trouvait en cherchant ces quelques éclaircies sur fond de mauvais temps. Mais c'était bien du gris, ne vous y trompez pas, qui rongeait l'appétit de cette petite-là. Aurait été bien fade cependant si le peintre inspiré n'avait pas pris le temps de cacher dans le fond de ses yeux délavés des gouttes vermillons et des reflets cuivrés de rubis de colère et de rébellion. D'où venaient des éclairs les jours où la passion reprenait le dessus sur la mélancolie, les souvenirs perdus et les nuits d'insomnie. Cette lueur étrange eût flotté dans les yeux, et quand passaient les anges, l'on y rêvait un peu. Mais c'était bien du feu, ne vous y trompez pas, qu'il y avait dans les yeux de cette petite-là. Et sous son cache-cœur, mi-coton, mi-laine, se cachait la rancœur d'un souffle qui à peine suffisait à cracher le reflet de ses songes que n'avait su tromper des années de mensonges. Ronge ses ongles cassés, sèche ses larmes timides comme un ruisseau d'été épuisé d'être aride. Je revois ce tableau entre deux insomnies et d'un coup de pinceau la ramène à la vie.